C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du studio 1 de 1 de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Enfin, l'équipe est de retour! Ok, oui! Hey, ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas co-animé les Palmarès C'est fou ensemble? Approximativement, oui. Je pense en fait que j'ai manqué la semaine passée par problème de dos, on s'en rappelle. Oui. Les deux semaines précédentes, t'étais pas là, donc ça fait un mois. Ouais, approximatif. C'est pas mal long. Mais bon, oui. On est de retour, on va passer 3 heures ensemble, ça va être tellement le fun. On va entendre 40 pièces, donc 20 du côté francophone et 20 du côté anglophone. Et en plus, on n'avait pas fait les nouveautés de la semaine passée. Ooh. Donc on a ça à entendre. C'est vrai. Tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les 4 nouvelles entrées de cette semaine et puis les 4 nouveautés de la semaine précédente. Tout à fait. Puis après ça, Palmer State Peace, et on continue comme si de rien n'était avec les palmarès de cette semaine. Ça te va, ça? C'est cool. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir, je l'ai dit, Palmer State Peace, ta chronique Huile de palmarès, sans oui. N'est-ce pas? Ok, oui. Ok, oui, ça va être bon, ça, des petites découvertes musicales. J'ai beaucoup de choses pour vous en plus aujourd'hui. Génial. Donc, 3 heures de plaisir. Les numéros de la semaine passée, alors qu'on n'était pas là, bien sûr, en anglophone, c'était Bronco avec Falling Free sur l'album Modern Mythology. Et du côté francophone, écoute, c'était... Ouh, on va y aller... Oui, exactement, avec Caravan et Boogie Baby. Oh, cool! Mais pour l'instant, on débute avec les nouvelles entrées de cette semaine. Donc, en anglophone, il y aura plus tard Self Unemployed ainsi que Century Palm. Du côté francophone, on va aller écouter Clo Pelgag avec les Instants d'équilibre. Mmh, pas l'air assez fou! Au 89 FM. nouvelle entrée. We'll never. Nouvelle entrée. Louis avec Self Unemployed en 19e position anglophone. Nouvelle entrée cette semaine. Oh que oui, et du côté francophone, eh bien, on a entendu Écho de Murmures. Et Mathieu, tu me demandais si j'avais réussi à trouver quelques informations. Écoute, j'ai de l'information assez rapide, merci. C'est un band de Montréal qui est composé de Rachel Mayer et Kevin Carrière. C'est du style alternatif, bien sûr, vous l'aurez deviné avec la pièce qu'on vient d'entendre. Donc, ça a été formé à Montréal en 2013 et ça a été composé des deux mêmes personnes. C'est un duo dont les paysages sonores ambiants ont établi des comparaisons avec des artistes tels que Singer Ross, Explosions in the Sky et Hammock. Wow! Hey, t'as parlé, ça m'a... laissez le temps de vous toutes les informations. On dirait que j'ai calculé mon temps. Donc, The Luyas, qui est un quintet de Montréal. Le groupe qui a été formé en 2006 par Jesse Stein, Pietro Amato et Stéphane Schneider. Stéphane Schneider! Ça sonne différent. Avant ça, un peu plus exotique. En 20e place anglophone, c'était Century Palm avec Then You're Gone sur leur album Meet You. Ok, oui, on a commencé l'émission avec les instants d'équilibre de Klopelgag. Puis ça, on cherche pas pour l'instant. Ben non, Klopelgag, là, Klopelgag, hein, tout le monde les connaît. Ben oui, tout le monde connaît ça. Ils sont partout à ICI Musique. Ouais, ben, on a des affaires en commun avec les Mais oui, exactement. Fois, non, je sais. C'est pour ça que je dis que Klopelgag, en théorie, n'aurait plus besoin d'introduction. Exactement. Pas au même terme que Marie-May, là, parce que ça, bon. On s'entend. Ouais. Mais moi, de mon côté, Century Palm, c'est un groupe de Toronto et leur album Deranged. Meet You? Non, Meet You, mais leur étiquette s'appelle Deranged. Oui. Ça sort le 10 mars prochain, donc on l'a avant-première. Ouh, on aime ça. On a dit tantôt que ça, c'était nos nouvelles entrées pour la semaine du 20. 21 au 26 février. Exactement. Mais on a sauté la semaine du 13 au 19. La semaine passée, on n'était pas là. C'était une reprise de la semaine d'avant. Donc, on va entendre les 4 nouvelles entrées. C'est 2 semaines qui se ressemblent. 2 nouvelles pièces de chaque côté, chaque semaine. C'est le fun. Plus tard, il y aura Tegan and Sarah dans ce bloc-là, ainsi que Ty Siegel. OK, oui. Et je dois me corriger, en fait, tout à l'heure. J'ai dit que la première de la semaine dernière, c'était Boogie Baby de Caravane. C'était faux. En fait, c'était Jap le chien de la conversion des sauvages. Et Boogie Baby est en fait la 20e, donc la nouvelle entrée de la semaine dernière du groupe Caravane. Génial, on entendra ça au retour de la pause. On va séparer les deux blocs par un petit moment. Là. Ouais, moment qu'on ça. Va vivre ensemble. Ah, oh, des moments. Oh. Pas comme sur une moto en train d'avoir des relations sexuelles. Hey, à chaque fois qu'on anime les palmarès, je vois des choses bizarres sur Internet. C'est comme si t'étais pas concentré. Mais non, voyons, je suis tout concentré. Passe-nous la vidéo du sexe on a bike sur la page Facebook des palmarès, c'est fou. Alors, je vais faire ça. Dans 2 minutes. OK, bye. Bye. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours au palmarès Cifou, et comme on disait tantôt, on était rendu à un deuxième bloc de nouvelles entrées, celle de la semaine dernière. On voulait pas interrompre le bloc de nouvelles entrées par une pause quand même. Mais on n'est pas des sauvages. Eh, hey, hein? Une minute. Bon. On se calme. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on vous rappelle qu'il y aura dans ce bloc-là Saratoga, Tegan and Sarah ainsi que Ty Siegel. Mais on va débuter en 20e place francophone. Ok, oui, avec Caravane et Boogie Baby. Oh, pars-moi le moteur. C'est ça que fait. C'est les palmarès Cifou. Oh, 89.5. Twist, puis ton corps chante, tu hypnotises la foule. Mes idées se perdent dans tes pas de danse, le long de tes courbes, le temps coule, démon. Reprendre la porte. On est chanceux d'avoir Teen and Sarah en nouvelle entrée avec la pièce U-Turn, position numéro 19 de la semaine passée, parce qu'on n'était pas là la semaine passée. On se rappelle qu'on entend les nouvelles entrées de la semaine du 20 au 26 février. Teen and Sarah, bon, on va le dire, on va être honnête avec vous, dans le Canada anglais, c'est de la musique un peu pop commerciale. Ouais, ouais, quand même. Ici, ça ne joue pas, on est très chanceux, et leur intention n'est certainement pas commerciale, donc c'est ça, le but de C'est fou, c'est de jouer de la musique qui a une intention artistique. Teen and Sarah, donc un groupe de pop rock canadien originaire d'Alberta, composé évidemment de Tegan Rain Quinn et Sarah Kirsten Quinn, qui sont nés le 19 septembre 1980. Ils changent tout le temps de style, hein. Ça a déjà été du folk, ça a déjà été du rock, ça a déjà été de la pop. Là, c'est pas mal resté dans le domaine de la pop un peu, très accrocheur. Vous connaissez peut-être leur chanson pour le film Lego Movie. Everything is awesome. Oui, oui, oui. Ouais. Et la pièce Feel It in My Bones viennent. Les deux chansons viennent d'elle. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je les avais traités de précurseurs des jumelles Barabé. Quelque chose comme ça, ouais, ben, si je me sais bien. Si vous connaissez la nouvelle, vous savez la nouvelle pour Teen and Sarah aussi, mais peut-être un petit peu en retard. Hein? Mais c'est même au Québec, hein? Tout le temps en retard. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps en retard sur les jumelles lesbiennes. Oh boy! Non, du côté francophone en 19e, c'était Saratoga avec Danser là. Avant ça, on a entendu Century Palm. Est-ce que c'est... Non, je m'excuse. Mauvaise feuille. Oui, toi aussi, t'as fait ça. Tout le temps, ouais. C'est facile à faire, caméra. Ty Segall avec Thank You, Mr. K, qui est en nouvelle entrée en 20e place de la semaine dernière. Et ça, Ty Segall, ça. Cette ça, personne, là. Cette chose. Non, c'est un chanteur, guitariste et batteur californien né à Laguna Beach. C'est un multi-instrumentiste. Il fait de la guitare, de la batterie, mais aussi, il enregistre la grande majorité de ses albums seul, selon Wikipédia. Jusqu'à maintenant, il y a eu 7 albums en solo, plus un avec le Ty Segall Band et plusieurs projets parallèles, vous connaissez peut-être The Traditional Fools, Epsilons, Party Foul, Sick Alps, The Perverts ainsi que Fuzz, et plusieurs collaborations musicales rendent compte d'un artiste prolifique, nous dit sa biographie. Et du côté francophone, on a entendu Boogie Baby de Caravane. Caravane qui, en passant, va être en spectacle ici à Trois-Rivières au Nord-Ouest Café le 24 mars prochain, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais il faut comprendre d'abord que les membres de la formation du groupe rock, on va le dire, c'est quand même rock, ouais, francophone, Caravane, ont un parcours assez étincelant, merci. Ils ont sorti leur premier album en 2014. Il s'appelait Chien Noir et ça leur a valu une nomination à la disque dans la catégorie Album Rock de l'année. Et aussi au Sirius XM Indies Music Award pour Emerging Artist of the Year in French. Donc, c'est vraiment très impressionnant. On a eu par la suite une belle tournée pour le band d'une centaine de spectacles qui ont inclus des participations à plusieurs festivals de quand même de grande envergure, entre autres des Francopholies de Montréal, les Festivals d'été de Québec, International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'en passe, et aussi plusieurs parties de groupes internationaux. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. C'est le deuxième album qui vient de sortir. Et sur ça, vous allez pouvoir entendre beaucoup de thèmes différents, entre autres la rupture, la quête identitaire un petit peu qui va sortir et surtout, en fait, surtout les désirs qui vont être explorés de pouvoir s'évader un petit peu dans tout ça. J'ai bien hâte de voir si l'album va être aussi bien exploité par C'est fou, parce que l'album Chien Noir, on l'a joué quasiment de fond en comble et c'est devenu très populaire par la suite. Après qu'on ait commencé, évidemment, on était comme toujours à l'avant-garde de ça, mais ça a commencé à jouer dans d'autres radios. Donc, on espère pouvoir se les garder un petit peu pendant quelques temps quand même à Caravane, parce que si on regarde le reste du francophone côté nouvelles entrées, là, c'est calme, c'est... Ouais, c'est... Ça se plaint beaucoup, là. C'est ça l'affaire. Je pense que, tu sais, il faut que je le dise. Dernièrement, là, du côté francophone, j'ai commencé à réécouter beaucoup de francophones, surtout à cause des palmarès et de la station de radio. Ça commence à se voir un petit peu plus, là, ce côté heureux, là, oui, des Québécois. C'est le fun d'arrêter de pleurnicher, là, puis... Exactement. Hein? S'il vous plaît. Mais bon. Soyez heureux quand vous chantez. Il y en a encore un petit peu dans le palmarès, mais c'est comme... Mais je pense que c'est Safia Nolin qui disait que c'est beaucoup plus facile de chanter ta peine que chanter ton bonheur. Ah! Je ne savais pas ça. Moi non plus. Donc voilà, on a entendu les quatre nouvelles entrées de la semaine passée, du 13 au 19 février. Avant ça, celle de cette semaine, du 20 au 26 février. Ça veut dire qu'on a dit au revoir à 8 pièces plus les 8 de la semaine précédente parce qu'on n'avait pas joué le montage Palmarès in Peace cette semaine-là. Oh my God! Ça en fait des choses à faire, étant donné qu'on n'était pas là la semaine passée, donc on rattrape le retard de tout ça. Ça va nous faire un petit 6 minutes d'extrait. Donc voici les pièces qui nous ont quittés depuis les dernières semaines dans Palmarès in Peace. Voici les pièces ont quitté entre le 30 janvier et le 19 février 2017. depuis la période du 30 janvier au 19 février 2017. Ça comprend trois palmarès et on débutait avec la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. Oh que oui, la première, c'est Marie-Ève Roy avec ses larmes de joie qui sont restées là pendant 6 semaines. Ensuite, Rippé a compris qu'on n'avait rien à foutre de son nouveau téléphone. Ça a duré 5 semaines. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas de nouveau téléphone. T'as pas écouté les paroles? comment les manquer? 5 semaines. Boy. Et cette chanson est un désastre. Merci à Rippé. Non, c'est pas vrai. Mais les Dales Our Chuck avec leur pièce désastre sont restés là pendant 8 semaines. Toffees a fondu avec Down in Style qui a duré 7 semaines. The Pretty Reckless, un band qu'on aime beaucoup et qu'on retrouve encore une fois dans les palmarès cette semaine avec la pièce Oh My God qui est restée là pendant 8 semaines. Dearly Beloved a essayé de partir puis ont réussi avec I Tried to Leave qui a duré 8 semaines. Et qu'est-ce que tu fais si elle t'aime? Ah, je sais pas. Eh bien, The Top Boost pourrait peut-être répondre à ta question avec la pièce What If She Loves You qui est restée au palmarès pendant 6 semaines. Elephant Stone a fini par mourir et voir la lumière au bout du tunnel, See the Light, qui a duré 7 semaines. Oh, j'aimerais pas ça me faire frapper comme ça. De James Clark Institute et The Devil's Punch Ball est resté là pendant 6 semaines. Cette pièce-là va me manquer énormément. C'est celle qui va me manquer le plus dans cette liste-là qu'on vient de faire. Mm-hmm. Ensuite, on a entendu la semaine du 6 au 12 février 2017 en commençant par... Je te laisse le dire. J'ai vu venir que ça te tentait pas d'en parler. Merci. Ouais, c'est ça. A eu, je crois, une irritation. Non! Avec Volvet, c'est la pièce de la mort qui a duré 7 semaines. Ah, Mathieu, la pièce qu'on a tant aimé chanter, oui. Répéter, rejouer. Oh mon Dieu, les ferrofluides fleurs de Claude Pelgag est resté là pendant 8 semaines. The Pack AD a dit ça va faire, fair enough. Fair enough. Que ça va faire enough. 5 semaines, oui. Jesse Brown avec ses dettes sont restés là pendant 6 semaines. Ensuite, pour la semaine du 13 au 19 février 2017, Laura Babin a noyé son buffle aquatique Water Buffalo qui a duré 7 semaines. Je sais pas c'est quoi en français un Water Buffalo. Moi non plus. On va chercher. Ah, je sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. Mais peut-être que Jean-Philippe a mis un petit peu trop de bleach dans son lavage parce que la pièce blancheur est restée là pendant 6 semaines. Ensuite, Tassie O'Mancy s'est pris ça bien facile en partant après 6 semaines. C'est juste assez. Ouais, c'est ça. C'est that's it. Et Wilfred and the Grown Men avec la pièce I'll Never Understand Why est restée là pendant simplement 3 semaines. C'est pas beaucoup, 3 semaines. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup du tout. Water Buffalo, apparemment un buffle d'Inde ou un kérabo ou un buffle d'Asie. Ah. Apparemment, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est un animal. Hein? On se comprend. Merci. Voilà, c'est tout pour les 3 semaines, les 3 derniers palmarès. Donc, la période du 30 janvier au 19 février 2017 fait maintenant partie de l'histoire. Voilà. On revient à nos palmarès, et étant donné qu'on a entendu les nouvelles entrées les 2 dernières semaines, on doit sauter par-dessus innombrables choses. Oui. On va sauter par-dessus quasiment tout d'ici les 10e places. Donc, on parle des positions 18 à 15 anglophones. Donc, on a entendu tantôt, bien sûr, Tegan and Sarah. Donc, ça, c'est rendu en 18e place. Ensuite, DXX avec Performance qui descend de la 9e. En 16e, c'est Joe Tang et Karma Needs to Come Around qui descendent de la 7e. Et finalement, New Fries avec Jay-Z qui descend de la 4e place. Et du côté francophone, eh bien, ça va être exactement la même chose. On va sauter de la 18e à la 15e position. Donc, Québec Redneck Bluegrass Project avec Bien-être Tour qui se retrouve à la 18e position. 17e, Paupières et Rex. 16e position, c'est Jet Cool à la plage qui était quand même à la 8e position la semaine dernière. On a descendu de beaucoup. Mm-hmm. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Et la 15e, c'est Chasse Pareil avec Berceuse pour les oiseaux d'hiver. On va aller directement donc au 14e place, comme on le disait. Alors, en anglophone, ce sera Timber avec Sewer Blues qui est stable. 3e semaine de présence. Et du côté francophone, ça va être Yoko Feu avec Exil. 6e semaine de présence, mais on a descendu de 2 positions. C'est les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Des balles à blanc. emporte en exil jusqu'au bout du compteur de vitesse. Ils s'en viennent, le talonne, les guépéros rouges, la montagne, les nuages, notre chance de survie. Dans l'eau, le sol, la nuit est enflammée. De leur voiture nous ont pris par surprise, ça s'arrête à l'instant. Leurs fusils pointus s'enfoncent dans nos coups, à tout prix résister, va falloir sauter. The angel you assume, commander out of by. I'll surrender to the few. It's all fleshed out and forgotten now. I'll go away back to you. I'll go away back through your love. I'll go away back to you. I'll go away. Timber avec Sour Blues, stable en 14e position anglophone. Du côté francophone, eh bien, une pièce qui est descendue de la 12e position la semaine dernière, maintenant en 14e, c'était Exil de Yoko Fu. On saute par-dessus les positions 13, 12 et 11 pour se rendre au top 10 dans la deuxième heure. Donc, on saute en anglophone, Diana avec What You Get qui descend de la 8e. En 12e, c'est I Can't Be Shaved qui descend de 1 par The Evaporators. Et en 11e place, ça monte de 7, Elphinstone et Manipulator. Du côté francophone, on va aussi sauter par-dessus les 13, 12 et 11. Donc, on saute par-dessus Mary Davidson avec Adieu au Dance Floor qui reste stable depuis la semaine dernière. Par la suite, Gab Paquet se retrouve à la 12e position, descendu de la 9e avec Diamant. Et on saute aussi par-dessus Autruche et Chouchou la Molle. Chouchou la Molle! qui descend de la 2e. Ah, voilà. On se retrouve pour une deuxième heure dans quelques instants avec, entre autres, la musique de Michelo, de la Reine, les Delaware Chuck, Chocolat, Jeff and Droids, Ashra, Bronco et Heat. On va voir, c'est fou. Deuxième heure dans 2 minutes. Merci. C'est toujours les palmarès à Cifou pour la semaine du 20 au 26 février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. C'est la portion... ça va, Mathieu? C'est la deuxième heure, donc la portion top 10 de l'émission. C'est là qu'on est rendu. Et dans la deuxième heure aussi, on va avoir la section à Will Palmarès. Oh, mais mon Dieu! La chronique de nouveautés musicales. Et puis dans la troisième heure, il y aura ailleurs dans les palmarès. Ah, c'est bien ça. C'est un beau petit plan quand même. Quand même. Donc, position numéro 10, tiens, pour commencer, on va faire un bloc de 3, en fait, parce qu'on a déjà entendu Ty Segall en début d'émission. Donc, plus tard, il y aura Rippé ainsi que Hush Chuppies. Ok, oui, mais on va commencer tout ça avec Michello et la 10e francophone qui est montée, en fait, de la 11e de la semaine dernière. C'est-tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents? Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je t'ai vu l'autre fois dans la section. 9. Stop Thinking par Ostrupees qui descend de 7 places, donc de la 2e à la 9e position anglophone. Du côté francophone, on a entendu Rippé avec Je t'ai vu. Tu sais, Rippé, on aime ça. Ouais, on l'a dit tantôt déjà, là. C'est ça. Ouais, c'est monté de la 10e à la 9e. Et avant ça, on a entendu Michelot avec Tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents, qui elle aussi est montée d'une position depuis la semaine dernière. Et on a sauté par-dessus Ty Siegel, qu'on avait entendu en début d'émission avec Thank You Mr. K, qui franchit la moitié du palmarès de la 20e à la 10e place. On va faire un peu la même chose pour le prochain bloc, donc bloc 3 quarts qu'on appelle. On va sauter par-dessus une pièce du côté francophone. On va entendre plus tard Johnny Two Fingers and the Deformities et Japan Droids. D'accord. Là, on va sauter par-dessus Caravan avec Boogie Baby. Vous comprendrez qu'on l'a déjà entendu en début d'émission vu qu'elle était dans les nouvelles entrées de la semaine dernière. Donc, on va commencer avec la 8e francophone qui, elle, était à la 15e place la semaine dernière. On parle de Peter avec Bien Réel. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Sous mes ongles de la terre, celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Dans mes mains, elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber,

shopping at mall. Guilty fear will drag you by a string, so break rules, become your king. Become your own king. Break the rules, become your own king. Break the rules, become your own king. Now I'm the king. King of the Underground par Johnny Two Fingers and the Deformities, qui monte de la 13e à la 7e place anglophone. Et du côté francophone, si je ne m'abuse, Mathieu, avant ça, on a entendu Peter avec Bien Réel. Mm-hmm. Et avant ça, on a entendu Japan Droids avec Near to the Wild Heart of Life, qui monte de la 15e place à la 8e. Exactement. Et on avait sauté, comme on l'a dit tout à l'heure, Boogie Baby de Caravan. Oui. Parce qu'on l'avait déjà entendu. On va faire encore le même processus mais une dernière fois, hein, un autre bloc 3 quarts, donc on va sauter par-dessus. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Oui, on va sauter par-dessus Saratoga, en francophone. On va entendre plus tard Darcy's ainsi que Cold Folks. Mais on va commencer tout ça avec la 6e francophone, qui elle est descendue de la 3e depuis la semaine dernière. On parle de la reine avec l'impérative. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ben oui, puis après ça tantôt, huile de palmarès. Oh bien que oui! Prends-moi, imagine et invente-moi. Dis-moi, porte-moi, pousse-moi et prends-moi. Imagine et invente-moi. existe. Thank you. folks, c'est Jelly Roll, position numéro 6 anglophone qui monte de 6 places. Du côté francophone, eh bien, on a entendu De La Reine avec L'Impérative. Eh oui, et voilà. Pour les 6e places, on a déjà terminé notre portion top 10. Donc, c'est le moment de passer à ta chronique, Tania. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, je crois, deux mois, un mois et demi, deux mois. Un bon bout. Ouais, c'est ça, on s'en rappelle même plus, mais est-ce que tu te rappelles que tu avais une intro? Oui. C'est Huile de Palmarès. J'aime tellement cette intro-là. C'est là. Bon, hein? Ah, comme... C'est juste qu'on sait pas quand embarquer. C'est ça. Mais j'adore le beat pareil. Chill! Exactement. Mathieu, tu as cru remarquer, j'ai glissé dans notre dossier spécial palmarès quelques... Peut-être pas nécessairement quelques nouvelles découvertes musicales, peut-être des redécouvertes musicales, oh. Mais surtout certaines choses que je voulais vous faire entendre cet après-midi. Il y en a que vous allez déjà connaître, les artistes, probablement, parce qu'on les a déjà entendus. Vous avez peut-être déjà entendu les chansons et vous allez les redécouvrir, mais peu importe. La première que je veux vous présenter, c'est une fille qu'on adore ici à C'est fou. On l'a reçue en entrevue. Espèce de name dropper. Ouais, on l'a vu en spectacle. J'ai chaté sur Facebook. Mathieu l'a cruisé. On a aussi adoré faire jouer plusieurs de ses pièces durant l'été et en début d'année. Je parle bien évidemment de La Bronze, qui est une auteure-compositrice-interprète. Et La Bronze, bien, elle fait vraiment vibrer tout le monde par son côté pop, son côté quasiment hip-hop aussi à un certain moment. Une belle voix. Oui, tout à fait. Mais cet après-midi, ce que là, je voulais vous faire entendre, c'est un petit peu une chanson complètement différente de ce que l'on pourrait entendre de La Bronze en temps habituel, parce que c'est une pièce qu'on connaît quand même assez bien, que la plupart ont déjà probablement entendu, mais d'un style musical complètement différent de celui de La Bronze. On parle d'une pièce de Jacques Brel que tout le monde connaît, comme je le disais. C'est Quand on a que l'amour. Donc, en fait, elle a posté ça il y a quelques heures à peine sur sa page Facebook et aussi sur sa page YouTube. J'ai comme l'impression qu'elle est en voyage du côté de la Californie parce qu'il y a des gens qui sont en train de monter la montagne puis il y a l'air à faire chaud en même temps que le vidéoclip se déroule. Mais on retrouve les deux mêmes musiciens qui sont là avec elle en spectacle. Donc, peut-être qu'on est parti essayer une coupe d'affaires du côté des États-Unis pour La Bronze présentement. Et vous allez entendre ce côté... T'sais, vous savez, le côté électro qu'on aime un petit peu justement de La Bronze, qui fait en sorte qu'elle a un style vraiment plus à elle, quasiment pop-rock, qui scintille justement aux idées pop, puis aux idées électro aussi dans tout ça. Donc, d'entendre Jacques Brel sous cette formule-là, c'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement souvent, mais je vais vous laisser entendre parce que vous allez voir, ça se savoure complètement. Ah. Voici La Bronze avec Quand on a quel amour. Ah, ça, dans les pas, excuse-moi. Dans Huile de Palmarès, au Palmarès, c'est fou. Je fais rarement ça, c'est rare. Ça vaut la peine de la reprendre, Jean. OK, on la reprend. Au Palmarès, c'est fou dans Huile de Palmarès. Une fou paradis. Oui, c'est ça. Que l'amour s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil. Simple truc. nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Quand on a Quel amour, interprété par La Bronze, parce que c'est une chanson que, bien évidemment, a été popularisée par Jacques Brel il y a vraiment longtemps de cela. Mais comme je le disais tout à l'heure, on retrouve ce côté un petit peu électro-pop, quasiment trip-hop aussi, que La Bronze s'est bien approprié au travers les années, qu'on retrouve dans cette adaptation-là de Quand on a l'amour, Quand on a Quel amour. Et j'ai adoré cette version-là. C'est plaisant. Si vous avez l'opportunité d'aller voir le vidéoclip aussi, vous allez voir, c'est vraiment... C'est convivial, tu sais, les trois sont assis sur le bord d'une montagne et on peut voir à certains moments des gens qui montent cette fameuse montagne-là. Donc, on sent qu'ils ont juste tout simplement décidé de faire profiter les gens ça qui passaient par déjà. Là. Ben oui. Exactement. Quand même, ça semble, comme je le disais, être tourné aux États-Unis. On chante en français, donc ça peut être quelque chose qui a jamais été entendu là-bas. Mais j'ai bien aimé cette version-là. Oui. La deuxième personne et la deuxième pièce que je vais vous faire écouter, c'est un gars qui va être ici à Trois-Rivières, du moins c'est déjà un trifluvien, sachez-le, qui va être en spectacle cette fin de semaine pour les Nuits polaires. On parle de Moose's Heart et comment est-ce qu'on a connu Moose's Heart? En fait, on le connaît peut-être plus sous le nom de Pat Cassette pour la plupart des gens d'entre nous. Pat Cassette, c'est un gars que moi j'ai connu au secondaire, et allait au secondaire en même temps que mon frère. Je l'ai découvert dans justement certains spectacles qui se faisaient à l'école. C'est arrivé à plusieurs reprises où justement il donnait des spectacles de hip-hop. Comme vous l'aurez deviné, vous n'allez pas entendre du rock. Là. Ça va être dans le style hip-hop. Ça va être le même soir que Corias et Coca, c'est-à-dire Karim Ouellet et King Abid, si je me souviens bien. Donc, on a comme décidé de se réinventer un petit peu avec le nom de Moose's Heart. Pat Cassette, c'est un artiste qui faisait dans les hip-hop quand même assez cru. Ouais, vulgaire. Ouais, oh, c'est ça, back in the days. Ouais. Donc, j'ai comme l'impression, en fait, que le fait de maintenant avoir une petite famille, ça l'a assagi un petit peu. On a passé quelques temps à l'extérieur aussi des studios d'enregistrement. Mais on parle bien évidemment de rap, de hip-hop, une culture de l'amour, quasiment aussi dans la fin des années 80. On va entendre un petit peu ce style-là avec le nouveau style Moose's Heart. Si jamais vous avez l'opportunité d'aller sur sa page YouTube, parce que c'est pas une de ses nouvelles chansons que je vais vous faire écouter, mais si vous avez l'opportunité d'aller sur sa page YouTube pour justement aller écouter quelques nouvelles chansons qu'il a fait, vous allez peut-être pouvoir vous donner une idée de ce qui va être fait au centre-ville cette fin de semaine. Mais ce que je vais vous faire écouter pour le moment, c'est une des pièces qui avait été vraiment très popularisée sur Internet, sur les réseaux sociaux il y a quelques années, parce qu'on avait utilisé cette pièce-là, dans le cadre d'un... ben pas d'un spectacle, en fait, mais d'un gala de boxe où se retrouvait Mike Zuski, donc un boxeur de la ville de Trois-Rivières. C'est une pièce qui a été faite avec Pat Cassette, mais aussi Caroline Réhel, qui est une fille de Trois-Rivières qui a fait ses cours de chant en opéra. Vous allez entendre Taylor Made. Et moi, j'ai adoré, j'ai trippé sur cette chanson-là. Donc, je vous l'offre cet après-midi. Huile de palmarès. C'est très, très court comme pièce, hein, si l'extrait fonctionne. J'espère. Pas sûr. À la date, il n'est pas parti pour ça. Ah oui! Oui! Ah. Fait ça gêner. Concentration on my look, my technique's on point, textbook, this what I do best. I've been growing up, never giving up, my life with no rest. If you a test, I'ma ace you. If you a dream, better believe I'ma chase you. Wake up and work 10 times harder till this shit's true. If I'm a pit bull, then you a shit too. The cause that I carry is greater and won't slip through. Keep sleeping and speaking on how to get fit too. But I was here first, and I'll be here last. Mark my words, you can read them when this time pass. I said it before, I won't fall, I won't fail. I put on for my city. TR, Mikhail Zuski, you know what it is. I guarantee this time I won't hide. I'm on my very bonds, I swear that I won't lie. And that's a concept in my head. The reason why I fall apart to get back up instead. I'm back in the mix, back in the blend. I'm stacking the reasons why this shit should never end. And since I'm lacking family, then I'm stacking friends. And fuck money, you know that I'm backing them. Anything worth doing is worth doing slowly. Supposed to show old school to the OGs that really know me. That's why I stay focused like your cameras are Sony. Spot you get phony. Married to the game like this whole bullshit was holy matrimony. Get spot six, I let five, stop staring, stay lonely. I stop talking about making it to the top. I just do it, like my Nike shoes. I stop talking about when the album gon' drop. I just do it, like my Nike shoes. I start stressing about how y'all feel. I just do it, like my Nike shoes. On the rise by just doing myself. I just do it, like my Nike shoes. Why my life always have to be a bitch and constantly fuck up like this shit's got a glitch? Okay, I guess I better switch. But sometimes a switch for the better is worse. The shit crushed by, cause the better is cursed. Grass looks greener, but look at the earth. So trouve à cause de pas, sit it on the wrong turf. Eyes on the prize, but you blind if all you see is the purse. Truest shit I ever spoke. Sometimes I should listen to myself and take a note. In these seas of uncertainties, I don't need to smoke trees just to stay afloat. Man, music is my dope, people is my hope. If we all pull together, we on the winning side of the rope. Be fuck we, I believe that. You wanna come and pull with me where my people at? I stop talking about making it to the top. I just do it, like my Nike shoes. I stop talking about when the album gon' drop. I just do it, like my Nike shoes. I start stressing about how y'all feel. I just do it, like my Nike shoes. On the rise by just doing myself. I just do it, like my Nike shoes. I stop talking about making it to the top. I just do it, like my Nike shoes. I stop talking about when the album gon' drop. I just do it, like my Nike shoes. I start stressing about how y'all feel. I just do it, like my Nike shoes. On the rise by just doing myself. I just do it, like my Nike shoes. Moses Heart avec la pièce Swoosh. Oui, oui, oui. On a décidé de vous la plugger comme ça à la fin de Taylor Made. Exactement. Oui. Parce que je me suis dit, bon, on va écouter Taylor Made. On va entendre le vieux style un petit peu à Pat Cassette qui est devenu Moses Heart. Donc, on a décidé de vous offrir aussi Swoosh, ce qui pourrait vous donner une petite aperçu de ce qui va être fait samedi soir dans le centre-ville de Trois-Rivières. Ouais. Voilà. C'est pour ceux qui, bien évidemment, aiment le rap et le hip-hop. Là, on s'entend, il va y avoir Corias comme je le disais tout à l'heure, Pat Cassette ainsi que Karim Ouellet avec un DJ. Donc, c'est sûr que si vous êtes plus du style rock, peut-être pas aller faire un tour au centre-ville, mais si jamais vous êtes ouvert à tout style musical, allez clairement faire un tour parce que ça va être très intéressant. Et si vous cherchez Moses Heart, vous pourriez vous attendre à devoir écrire Moses Heart comme dans genre un cœur de quoi, Rignaz, Moose, genre? C'est vrai? Ben, juste un O. Ben, c'est ça, faut enlever un O, puis enlever ça. Le E à heart. Oui, c'est exact. Moses Heart. Heart. Comme dans Moïse. Ouais. Cœur, ben, pas cœur, mais genre, cœur de Moïse. Mais ouais, pas de. Quasiment. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut faire attention. Mettons. Difficile. En tout cas. Ouais, un petit peu. La prochaine pièce que je vais vous offrir, de l'artiste que je vais vous offrir, en fait, je l'ai découvert cette fin de semaine par vraiment pur hasard. Je me promenais un petit peu sur les réseaux sociaux musicaux parce que, bon, j'aime parfois découvrir de nouvelles choses. Et je suis tombée sur une vidéo qui présentait le jumeau français séparé à la naissance de Claude Bégin. Ah, ben OK. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de vous offrir du Julien Doré cet après-midi. Je me suis un petit peu donné à l'idée de fouiller qu'est-ce qu'était Julien Doré. Claude Julien. Claude Bégin. Mais, Claude Bégin sonne déjà vraiment étrangement comme du Carré Mouellette. Oui, un petit peu. Ben, en fait, Claude Bégin a fait partie de À la claire ensemble il y a quelques années. Là, on semble ne plus nécessairement faire partie du band, selon ce qui a été dit dans l'entrevue que j'ai vue entre entre les deux gars. Mais on retrouve quand même un style musical qui est quand même assez indie folk, qui est quand même assez pop aussi. Et on l'entend surtout à la production, souvent, des albums de Carré Mouellette. Donc, c'est quelque chose que, oui, justement, qui va sonner un petit peu comme du Carré Mouellette. Vous allez entendre avec Julien Doré quelque chose qui va être très, très français parce que vous l'avez deviné, je l'ai dit, c'est son jumeau européen. Donc, il vient de Lunel en France. Ça va être un français qui va être différent. On va y aller aussi peut-être dans des touches qui vont être un petit peu plus... J'ai quasiment le goût de dire classique parce que la pièce que vous allez entendre, c'est simplement du piano et voix. Il y a plusieurs versions qui ont été faites de cette chanson-là. Parce que, par contre, ce que je voulais pas arriver à faire, c'est vous offrir comme le 5 minutes de vidéo qui a 2 minutes ou qui se passe absolument rien dedans. Donc, je me suis dit pourquoi pas y aller pour la version qui était un petit peu plus acoustique, un petit peu plus classique, c'est-à-dire voix-piano. On va entendre la pièce, en fait, qui s'appelle Sublime Silence et surtout écouter les paroles parce que c'est quelque chose qui, justement, a une ressemblance avec les pièces de Claude Bégin, souvent. C'est que les deux gars se connaissaient pas à l'origine, mais ils semblent faire beaucoup dans le même style musical. Ils se ressemblent physiquement. Ils se ressemblent aussi beaucoup mentalement. Et je mettrai sur la page Facebook cette fameuse entrevue entre les deux gars qui se sont rencontrés et qui ont carrément tombé en amour, en bromance l'un avec l'autre. Donc, voici Julien Doré avec Sublime Silence. Dans l'huile de palmarès, au palmarès, c'est fou. Mes silences autour de moi, tu danses et moi j'oublie. Yeah. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Sublime silence, autour de toi tout tremble, tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses et tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Ressemble en moi en apparence, pourtant tu fuis. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Doré avec Sublime Silence. Ça, je pense que je pourrais le dire, c'est ma découverte de la semaine dans l'huile de palmarès. Cute, ça. Oui, hein. Donc, les trois choix que tu nous as présentés aujourd'hui vont être sur la page Facebook des Palmarès C'est Fou. Oui, tout à fait. Si c'est pas déjà fait. Bien, la vidéo est rendue, je m'en vais poster les autres. Génial, merci Tania. Ça fait plaisir. On fait l'huile de palmarès dans les Palmarès C'est Fou quand ça t'adonne. Hein? Oui, exactement. En théorie, mettons, deux, trois semaines, mettons. Ouais, c'est sûr. Environ. ça va être la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est Fou. Il nous en reste une troisième. Le top 5 s'en vient. En gros, on va sauter sur par-dessus une petite affaire, mais pas grand-chose. On devrait se passer pas mal de musique dans la dernière heure. On va savoir si nos numéros 1 tiennent toujours. On en parle au retour au Palmarès C'est Fou. Restez avec nous. C'est fou pour la semaine du 20 au 26 février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, la troisième heure, c'est toujours la portion top 5 de l'émission. Mm-hmm. Hein? Donc, d'ici la fin, on va savoir si notre numéro 1 anglophone est toujours Bronco avec Falling Free. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Jappe le chien de la Convention des sauvages. Je te garantis un résultat et une réponse à cette question. Oui. Je te garantis aussi que ce ne sera pas la Convention des sauvages parce que ça n'existe pas. C'est la Conversion des sauvages, pardon. Je peux vous dire tout de suite que ce ne sera pas la Convention des sauvages. Oui, c'est ça, exactement. C'est parce que tu vois, j'ai pas mes lunettes dans le visage. Ah, c'est drôle quand même, hein? C'est comme geek à moitié. Exactement. Tu mets tes lunettes quand ça t'adonne pour être cute. Sont devant moi. C'est ça. Pour l'ordinateur, j'imagine, hein? Oui, exact. C'est ça. Ça pour dire qu'on a aussi la section ailleurs dans les palmarès d'ici la fin de l'émission. Si ça rentre, en fait, je peux pas vous garantir ça, ce qu'on va voir. Non, ça, on va voir ce qui rentre. On sait plus, là, on sait c'est plus. Ça, c'est ça. Bref, position numéro 5 francophone, ce qu'on sait, c'est qu'on la saute parce qu'on l'a entendu plus tôt, c'est Saratoga. On va entendre plus tard en anglophone Ostra et Darcy's. Ok, oui, mais on va commencer tout ça avec Ludovic Allary et l'appartement. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Simplement. Même. Oh. Clap, clap, clap. Emmène-moi floor. Arch your back, let your imagination really take hold. Hold your breath, I feel the inhalation fill up your lungs. And close your eyes and let the trepidation unabandon your bones and let yourself go. Me under. Electra et Utopia montent de deux places en quatrième anglophone, précédé de Darcy's avec Coming Up For Air qui, elle, monte de cinq places. On a entendu aussi du côté francophone une pièce qui est montée de deux positions, c'est-à-dire L'appartement de Ludovic Allary. Voilà! On est rendu aux troisième places pour une fois, je pense, pas la première. C'est pas la première fois, on le fait une autre fois ou deux, mais bon. Qu'on va entendre seulement deux pièces dans ce bloc-là. Ok. Là, je comprenais pas où tu t'en allais. C'est rare qu'on fait les choses simplement dans la vie, mais là, on veut juste entendre deux pièces. Ben normal. C'est parce que Mathieu puis moi, là, on aime ça se compliquer les choses. Vraiment. Un petit peu parfois. En amour, comme ailleurs. Quel amour. Il n'y a pas d'amour. Non, c'est ça. Il n'y a pas ça stock. Alors, position numéro 3. Du coup, dans le fond, ce sera The Pretty Reckless avec Back to the River qui monte de 13 places, troisième semaine de présence. Ouh, 13 positions. Du côté francophone, eh bien, je suis désolée de vous apprendre que Jap le chien ne sera pas le top 1. Fuck you! Oh my non, God! C'est vrai. Je suis désolée de vous apprendre que Jap le chien ne sera pas le top 1 cette semaine parce qu'il se retrouve à la troisième position. Alors voici la conversion des sauvages avec Jap le chien. Dans les palmarès, c'est fou! 89.1. Ah, ouf, ouf, ouf! 89.1 FM. FM. There's blue skies all around me, and the world looks just the same. It's hard to be criminal when you all know my name. Sometimes I wonder, and sometimes I wanna be free. Well, you can be king of me, and I'll be the queen. No. The Pretty Reckless avec Back to the River qui monte de 13 places en 3e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, c'était le top 1. Cette semaine, c'est la 3e position. T'sais, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Donc, c'est Jappe le chien de la conversion des sauvages. Ben oui, ça s'est rendu au sommet. Ça, c'est... Ben oui. Position numéro 2, c'est comme ça. Position numéro 2, donc en anglophone, c'est l'ancien numéro 1. Moi aussi, mais là, je t'ai pas volé le punch. Je t'ai un petit peu volé le punch, finalement. Mais Bronco. Falling Free, qui descend de une sur l'album Modern Mythology. Ça descend donc d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre l'ancienne 5e position, c'est-à-dire Lamy de Les Dells, Our Chuck. Et ça, comme on dit, faut pas cligner des oreilles. Ah, mon ami! Ah, t'es drôle! Moi, j'allais dire que je l'ai mis dans le lecteur. Lamy! C'est pas le moment des jeux de mots, c'est tantôt, ça. Ouais, je sais, mais tu sais, moi, ça sort quand ça sort. C'est là. Ça. Ouais. Comme un flux. Ah! C'est pas mal, c'est fou! 89 FM! Alors, c'est numéro 1 anglophone, c'était Bronco avec Falling Free, maintenant en deuxième place anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était les Dells, Our Chuck avec Lemmy. Let me tell you about that. Let me tell you about that. On a dit que c'était pas la place pour faire des jeux de mots tantôt parce que les jeux de mots, ça va avec les numéros 1. Oui, en effet. Et comme t'es de retour, on peut ramener ça. Parce que quand t'étais pas là, les deux semaines, t'étais pas là. Je les ai pas fait, en effet. Parce que j'ai pas de public. C'est plat de faire de l'humour quand t'as pas de public. Ouais, ok, j'avoue. Tu voulais pas nécessairement les traduire. Non, c'est ça. Et ça, je garde ça, faire des gags tout seul pour l'intro du Mathieu Planche Show les mercredis. Ouais, c'est long. C'est là que je fais ça. C'est long, long. C'est long, long. C'est long, long que je fais ça, comme dirait-on au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est long, long. C'est long, long. Ouais. Ou sinon, c'est... J'ai jamais rencontré de gens qui disaient ça. Non. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas grave. Ce qui... Toi? Moi? Non. Moi, je fais juste une pâle très mauvaise imitation. Ah, guise-là. C'est long, long. Sinon, on pourrait dire aussi Loulou comme... Loulou Youse, ouais. On peut pas parler de Loulou Youse, elle est malade. OK. On se retire de tout commentaire sur Loulou Youse. Et on peut pas parler non plus du magazine Loulou, qui je crois est mort depuis, je pense. Ah mon Dieu, oui. Ben d'après moi, oui, c'est mort. Je sais pas. Mort depuis un bout, ça. Quand je vais faire l'épicerie, je regarde pas les magazines, je regarde les barres de chocolat. Fait que je sais pas quel magazine continue et quel magazine ferme, mais okay. Je sais par contre quel bar de chocolat est retiré du marché, ça je sais. Ben oui, c'est clairement, c'est sûr que tu sais ça. Et voilà. Mais bref, Loulou Youse, je me sens rencontrer peut-être un jour. Ouais. Dire, hey, t'as un drôle de nom. Loulou! Ou peut-être que je pourrais lui dire, Loulouche! Parce que peut-être qu'elle louche. Loche. Ah, peut-être. En anglophone. Ou elle prend des bains de loche. Peut-être des bains de loche avec du savon qui fait de la petite mousse. Peut-être un bain chaud. Peut-être un bain tourbillon. Oh, comme le personnage dans les nouveaux passe-partout, là, tourbillon. Il n'y a pas un tourbillon là-dedans? Il me semble que oui. Je sais pas. J'ai pas regardé les nouveaux passe-partout, même. Je vais me taper. Ben, ils sont pas disponibles sur DVD. Par contre, je vais pouvoir aller sur YouTube, peut-être m'en taper une série. Je vais pouvoir passer toute la nuit, regarder les nouveaux passe-partout, là. Clairement, parce qu'on fait tout le temps ça quand on part une nouvelle série, hein. C'est toute la nuit, overnight, on va faire ça. Même. Bref, voilà. C'est comme d'autres choses. Les jeux de mots se sont faits très, très subtilement, là. Très subtilement, très rapidement aussi. Merci, ça a oui. bien coulé aujourd'hui, j'ai trouvé. Je suis efficace de même. Exactement. Si on commence du côté francophone, bien, loulou, loulou, lala. C'est tout simplement parce que la pièce qui se retrouve top 1 cette semaine du côté francophone, c'est Loulou. Si t'aimes tant le chocolat, Mathieu, et si t'aimes savoir qu'est-ce qui se passe du côté du chocolat, c'est parce que l'artiste, le band, c'est chocolat. Wow! Et la raison pour laquelle t'aimerais rencontrer Loulou Youse et puis lui dire « Hey, Loulou! » Loulou! C'est parce que c'est l'album « Rencontrer Loulou ». Simple de même. Écoute, il n'y a pas d'autre explication valable. Je cherche pas plus loin. À ce genre de mots de jeu. Ce jeu de mots-là, exactement. Et du côté anglophone, eh bien, si on y va avec Loulou, puis Lâche, puis Le Bain, puis c'est tout ça. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Il y a d'autres choses qui m'ont passé par la tête pendant un instant, mais non. Le titre de la chanson, c'est Lâche. Puis, ben tourbillon, Mathieu, ben chaud, ouais. Patate chaude dans la bouche. Ouais. C'est parce que le bend, c'est heat, comme quelque chose qui chauffe en anglais. Ouais. Puis l'album, toute la nuit, là, si tu regardes ça, là, toute la nuit, tu sais, une nouvelle série sur Netflix, c'est parce que l'album, c'est Overnight. Voilà! Exactement. Simple. Mes explications étaient un peu... plus compliquées que mes jeux de mots, hein. Carrément. T'sais, carrément. Deux fois plus long que les jeux de mots, pas mal. Oui, vraiment. Donc, anglophone, ce sera Heat avec Lush. Mais tout de suite, voici Chocolat et Loulou. Ouh. Pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Ils croient position. Yeah. numéro 1 des palmarès Ifo pour la semaine du 20 au 26 février 2017. On va entendre Heat avec Lush en anglophone sur l'album Overnight. Et du côté francophone, c'était Loulou de Chocolat. Oh, voilà, ben c'est tout pour cette semaine. Colin, ça a passé vraiment vite. Je sais. Tant de bonne musique. On va se quitter avec une dernière pièce. Ce sera du côté anglophone, la 11e place, n'est-ce pas? Exactement. C'est une pièce qu'on n'a pas encore entendue cette semaine. On l'a sautée tout à l'heure. Mais elle était là la semaine dernière. C'est sa 3e semaine de présence. Elle a monté de la 18e. On parle de Elephant Stone avec Manipulator. Dans quelques minutes. Mais avant ça, le temps de se dire que la semaine prochaine, on va être de retour toujours en direct les mardis entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, réanimation et à 21h, matière noire. On repart les vendredis à 17h. Après nous, c'est la même chose. Donc, réanimation, matière noire, vous allez avoir l'impression d'un moment de déjà-vu. Moins le petit 2h où il n'y a rien entre 5 et 7 le mardi. Ensuite, on repasse les samedis entre midi et 15h. Et puis après nous, plus tard, il y aura Radio Sonic à 17h. C'est Fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. On se retrouve à Assemblage Requis aussi tous les matins à 6h30. Merci Tania. Merci à toi Mathieu Plante. À la semaine prochaine. Bye. Bye. To silence, I'll put the voices in your head.